On fait du sale, on fait du sale. Pour se détendre, on s'en fume à l'air. On fait du sale, on fait du sale. Pour te détendre, t'as les fesses à l'air. Fais pas l'invincible, et d'où il nique tout combattant. Fais pas l'invincible, et si y a drap, je suis partant. Ah ouais, ouais, ouais. Ce soir du cash, on va jeter. Ouais, ouais, ouais. Ici personne n'est en été. Ouais, ouais, ouais. Maman, ouais, ouais, ouais. Fais-moi un bisou. Ouais, ouais, ouais. Chérie, ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui c'est nous. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux manger, chérie, faut me laisser bosser. Si tu veux danser, chérie, faut me laisser bosser. Ah ouais, ouais, ouais. Sale, ah ouais, ouais, ouais. Laza est là, ah ouais, ouais, ouais. On a la dalle, on a la dalle. L'équipe est Harry, y'a pas d'acteur. De pire en pire, on vend les armes. Sans avoir peur de la maison d'arrêt. On t'entend, t'élimines quoi? T'élimines, j'crois que tu m'imites, y'a que du boucan. Comme un militaire, on ne vise pas les jambes. Je vais tirer dans le tas. Ah ouais, ouais, ouais, ah ouais, ouais, ouais. Oh, oh, oh. Ce soir du cash, on va jeter. Ouais, ouais, ouais. Ici, personne n'est en été. Ouais, ouais, ouais. Maman, ouais, ouais, ouais. Fais-moi un bisou, ouais, ouais. Toi tu veux manger dans mon pain. Toi tu veux la guerre, ben la fera du soir au matin. Nous on veut la paix, toi tu veux manger dans mon pain. Toi tu veux la guerre, ben la fera du soir au matin. Ouais ouais ouais, maman, ouais ouais ouais. Fais-moi un bisou, ouais ouais ouais. Chérie, ouais ouais ouais. Aujourd'hui c'est nous, ouais ouais ouais. Si tu veux manger, chérie, faut me laisser bosser. Si tu veux danser, chérie, faut me laisser bosser. Tu connais le nez.